Bonjour mes amis, voilà les programmes aujourd'hui, l'éducation nationale, mais évidemment aussi l'éducation nationale ce n'est pas un thème isolé, c'est évident qu'il est lié à tout. Alors on peut parler de ça, mais on peut parler aussi d'autre chose. Allora, dal programma, j'avais l'intention di commencer par le commencement. Pourquoi il ne marche pas? Vous voyez là dans la deuxième partie, présentation du thème. Les ministres de l'éducation nationale sont à l'origine de la situation très grave de l'enseignement, tout niveau confondu, et cela depuis plus de 80 ans. 80 ans, j'ai retrouvé la source. J'ai retrouvé la source des problèmes, je vais vous distribuer un document que vous connaissez probablement. C'est un écrit qui fait partie de l'œuvre, les bilans de l'intelligence de Paul Valéry. Et je l'ai choisi parce que c'est un bon point de départ. Alors, il est là, je vous le donne. Alors, si vous aimez, on peut jeter un coup d'œil ensemble, ces documents. Je l'ai trouvé étonnant, merci. Voilà. Alors, attendons que les autres... Mais, donc, il date, les biens de l'intelligence, 1935. 1935, vous l'avez disponible sur, sur les nets, disons, avec... il suffit de taper les diplômes, et avec les diplômes, vous avez les jugements de Paul Valéry. Alors je ne sais pas si tout le monde le connaît assez. Sur Wikipédia, il dit qu'il est moins connu actuellement et qu'à l'époque on n'était pas très reconnu. C'est un peu contre-courant, mais sa philosophie était quand même assez dans les conclusions qu'on arrive aujourd'hui à peu près. Donc, alors, je n'hésite jamais à les déclarer. Le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. Voilà. Ça, c'est un académicien qui dit ça. Et il a un siège à l'Académie française. Lui. Plus les diplômes ont pris d'importance dans la vie, et cette importance n'a fait que croître à cause des circonstances économiques, plus le rendement de l'enseignement a été faible. Plus les contrôles s'exerçaient, s'est multiplié, plus les résultats ont été mauvais. Il faut dire que la situation actuelle est vraiment catastrophique. Et je crois que les jeunes le savent mieux que moi. J'ai eu la chance d'être passé un peu à côté, mais parce que j'ai travaillé plutôt que faire des études, mais ça n'empêche que je connais pas seulement la souffrance, le désarroi de la jeunesse, mais la difficulté réelle. Et aussi, le manque d'avenir, pas seulement pour la jeunesse, mais disons pour l'ensemble de la société. Alors, on peut continuer. Mauvais par ces chiffres. Non, mauvais par ses effets sur l'esprit public et sur l'esprit tout court. Mauvais parce qu'il crée des espoirs, des illusions des droits acquis. Mauvais pour tous les stratagèmes et les subterfuges qu'il suggère. Les recommandations, les préparations stratégiques et, en somme, l'emploi de tous les expédients pour franchir les seuils redoutables. C'est là, il faut l'avouer, une étrange et détestable initiation à la vie intellectuelle et civique. On a droit à la bande, c'est bien. Bon, alors, on continue. D'ailleurs, si je m'effondre sur la seule expérience et si je regarde les effets du contrôle en général, je constate che il controllo in tutta materia abouti a vicier l'action, à la pervertir. Je vous l'ai déjà dit, dès qu'une action est soumise à un contrôle, le but profond de celui qui agit n'est plus l'action même, mais il conçoit d'abord la prévision du contrôle, la mise en échec des moyens de contrôle. Le contrôle des études n'est qu'un cas particulier et une démonstration éclatante de cette observation générale. C'est à l'époque déjà qu'il commence à proposer, au lieu de réfléchir, de répondre, de faire le choix entre trois propositions, par exemple, et les trois propositions sont faites pour vous aider. Vous connaissez bien les questions à réponse multiple. à réponse multiple, il y en a qui les cochent au hasard, ils ont peut-être des meilleurs résultats que ceux qui essayent de réfléchir, parce qu'ils ne sont pas habitués à la réflexion, et donc c'est vraiment comme tirer au sort. Bon, et ce n'est qu'un aspect. Hein. Les diplômes fondamentaux chez nous, c'est le baccalauréat. Il a conduit à orienter les études sur un programme strictement défini et en considération des preuves qui, avant tout, représentaient par les examinateurs, les professeurs et les patients, une perte totale, radicale et non compensée de temps et de travail. Du jour où vous avez créé un diplôme, un contrôle bien défini, vous voyez aussitôt s'organiser un regard tout en dispositif non moins précis que votre programme, qui a pour but unique de conquérir ces diplômes par tout moyen. Le but de l'enseignement n'étant pas le fonctionnement, la formation de l'esprit, ça c'est important, la formation de l'esprit, ce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais l'acquisition du diplôme, c'est le minimum accessible qui devient l'objet des études. Il ne s'agit plus d'apprendre les latins ou les grecs ou la géométrie, il s'agit d'emprunter et non plus d'acquérir, d'emprunter ce qu'il faut pour passer le baccalauréat. Bon, pour certains, pour vous, c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard pour se rattraper. Hein. Il suffit de prendre d'autres voies que celles qui nous indiquent. Hein. Parce que tout ça, c'est aussi très, très lié, elle a dit bien, des causes économiques, donc au capitalisme, au libéralisme et d'autres fantaisies. Bon, ce n'est pas tout. Le diplôme donne à la société fantôme les garanties, des garanties, et aux diplômés des fantômes des droits. Les diplômés passent officiellement pour savoir. Ils gardent toute sa vie ce brevet d'une science momentanée et purement expédiente. D'autre part, ce diplôme, au nom de la loi, est porté à croire qu'on lui doit quelque chose. Jamais convention plus néfaste à tout le monde, à l'État et aux individus, et en particulier à la culture, n'a été instituée. Le fait qu'elle soit une institution et qu'elle détermine l'avenir de la société, c'est important. C'est une considération du diplôme, par exemple, que l'on a vu se substituer à la lecture des auteurs, l'usage des résumés, des manuels, des comprimés, des sciences extravagantes, les recueils des questions et des réponses, tout fait extrait et autre abomination, il en résulte que plus rien dans cette culture altérée ne peut aider ni convenir à la vie d'un esprit qui se développe. Voilà. Bon, ça c'est un point de départ et on peut se lancer sur différentes voies, mais je crois que la mise au point commence déjà par la terminologie. Je ne l'ai pas noté dans les programmes, mais j'ai enseigné les dernières 9 ans de mon activité professionnelle, disons, mon activité de citoyen. Avant, j'étais dans les privés, donc j'ai une certaine expérience de 25 ans ailleurs. Bon, alors, quand on m'a dit prof, j'ai dit non, merci, je ne professe rien du tout. La profession appartient à la foi, je ne professe pas. Je me limite et je suis bien content d'être un enseignant. Hein? L'enseignant, il enseigne plutôt la voie à suivre, hein? Et le professeur, il essaie de convaincre l'élève à ses idées, hein? À tous les niveaux. Bon, ça c'est une chose. Autre chose, l'objectif de l'éducation nationale, de l'école, du lycée, du collège, dites-moi lesquels, officiellement, hein? Pas des bizarreries. Officiellement, c'est la transmission des savoirs, au pluriel, ou même la transmission des savoirs, ce que je préfère. Mais je suis de l'avis que les savoirs, si on n'ajoute pas quelque chose, ne sert à rien à part d'être brillant en société, de se faire valoir, mais ce n'est pas ça l'éducation de l'esprit. L'éducation de l'esprit se résume savoir-faire, et non pas savoir tout court, ou les savoirs, savoir-faire. C'est-à-dire, ça passe beaucoup plus par l'activité manuelle que par l'activité intellectuelle. Et l'activité manuelle précède l'activité intellectuelle. Et si on n'a pas cette expérience qui commence à la maternelle, on peut dire, cela n'est pas... On va tout de suite décliner. Je vois J'ai enseigné à tous les niveaux. J'ai enseigné en primaire, j'ai enseigné au collège, j'ai enseigné au lycée, j'ai enseigné à l'université pendant 3 ans jusqu'à niveau DA, à l'époque c'était le DA, hein, des étudiants des DA. Hein. J'ai trouvé le moyen de faire tout ça et donc j'ai bien vu que les primaires ou les écoliers sont fantastiques, fantastiques. Je n'ai jamais eu de telle joie que dans les primaires. Et dans les primaires, ils ont un besoin d'apprendre fantastique aussi. Mais quand ils passent au collège, c'est la chute totale, dans l'indifférence totale. Et on les laisse, disons, en classe, avec un système qui n'est pas acceptable, disons. Quand j'ai compris que les élèves du collège changeaient de salle tous les heures, par exemple, je fais un exemple, avec un cartable lourd sur le dos, mais qui est l'adulte qui a son travail et changerait tous les heures son bureau, c'est pas possible, mais comment on peut arriver là? J'ai entendu des gens qui m'ont répondu, mais on l'a bien fait nous à leur âge. Oui, mais c'est pas une raison. Un conseil de classe, des représentants, des élèves, un garçon et une fille, charmante. À la fin, on lui a demandé par politesse, les professeurs, sûrement les professeurs qui ont présenté les autres, dites-vous qu'est-ce que vous voudriez, donner un souhait. Et tout simplement, les deux filles et garçons ont dit, est-ce qu'on pourrait avoir une salle pour nous? J'ai regardé les autres, un sourire, et il n'est pas question. Ce n'est pas possible. Voilà. Des collégiens vient la sagesse. Donc tout n'est pas perdu. Il faut revenir à la source. C'est simple. Donc, alors, on fait beaucoup. Là, j'ai quitté un peu le programme parce que je vois que vous vous intéressez. J'ai l'impression. Vous me dites. Si je vous ennuie, vous m'arrêtez. Sans problème. Je vous dirai merci quand vous m'arrêtez. Alors, si on regarde. La réforme, je n'ai connu que des réformes, et pourtant je n'enseignais pas très longtemps, hein. Mais j'ai connu que des réformes. Les grands Jean-Luc, avec son livre « Qu'est-ce qu'on apprend au collège ?» Je ne sais pas s'il en fait imprimer pas 1 million de copies. J'ai essayé de les lire, c'était illisible. Illisible. Après, il y a eu encore les grands débats. Les grands débats. J'ai participé au grand débat, j'ai participé en classe, j'ai participé au conseil, réunion spéciale, particulière. Je suis professeur de langue. Et j'ai fait remarquer qu'au collège, enseigner 2 ou 3 langues, c'est une bêtise. Une bêtise puisqu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la concentration, ils n'ont pas la capacité, et surtout, ils ne connaissent pas bien leur langue maternelle. Donc, à quoi bon leur enseigner 3 langues? Voilà. Bon, si on fait marche arrière et au cours élémentaire, disons au cours primaire, j'ai enseigné aussi la langue. En précision, je ne veux pas qu'on enseigne les langues, mais puisque vous insistez, je vais enseigner les langues. Ce qui est une très bonne chose, puisque les enfants ont besoin d'apprendre. Ils se précipitent, ils écoutent, ils sont disciplinés et tout. Mais est-ce qu'on fait leur bien? Est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à leur apprendre à raisonner? C'est peut-être trop tôt, mais c'est jamais trop tard. Et sarà ça trop tard quand il arrive au collège où il y a 14 disciplines. 14, je les ai comptées, sur les internet, j'ai vu les programmes. 14 disciplines. Mais d'arriver anche au conseil de classe de dire, ma si vous continuez comme ça, il n'y aura plus la place sur les listings. Il n'y aura plus la place pour les élèves, ils vont tomber dehors, parce que vous pouvez faire à 3, mais il n'y a pas d'autre, hein, autrement il faut mettre un scotch, encore les rustines. Les réformes sont que des rustines. La dernière, ancora 2 rustines. Ce n'est pas la chambre d'air qui ne marche pas, c'est les vélos. Alors vous pouvez mettre toutes les rustines que vous voulez, vous sortirez della panna. Voilà. Ma allora, allora ancora più in arriero, la maternella. La maternella, j'ai entendu dire qu'il faut qu'il sorte de la maternelle en sachant lire et écrire. Lire et écrire. C'est-à-dire, là où l'enfant est le plus disponible, on essaye de les formater, pas les former, de les formater tout de suite. Il apprendra à lire vite et à écrire mal. Quand il devrait tout simplement leur apprendre les actions manuelles, c'est-à-dire pas seulement manuelles, et aussi connaître les loisirs, mais pas les loisirs idiots, les loisirs bêtes, comme ça peut être les loisirs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien, non? Ah, d'accord, d'accord. Bon. Alors, j'espère faire une autre séance avec vous et je viendrai avec un peu plus de documents et on fera un peu l'histoire de la chute de la passée. Une chute, j'espère, provisoire parce que vous êtes là. Et j'ai toute ma confiance en vous et c'est pour cela aussi que je suis là. Bon, alors, le travail manuel. Attention, il nous repousse au problème de l'école tout court parce que là, il y a un préjugé, évidemment, on pourrait faire le travail manuel. Au primaire, on peut le faire aussi au collège, et pourquoi pas au lycée, un bon travail manuel. Hein? L'homme a commencé à penser en inventant les langages. Hein? Et pour inventer les langages, il a aussi utilisé ses mains. Et c'est ses mains qui ont transmis au cerveau de quoi formuler des concepts, de quoi découvrir des choses. Donc, à n'importe quel âge, c'est bon. Mais il y a des choses aujourd'hui que les sciences, mon discours peut sembler que je suis contre les sciences, mais les sciences nous permettent, si bien utilisées, comme n'importe quoi, comme la technologie, comme un couteau peut servir pour égorger, peut servir pour éplucher une pomme, et on en fait ce qu'on veut. Donc les sciences, si on peut bien utiliser, avec les niveaux qu'on rejoint, par exemple, moi j'ai fait une hypothèse quelconque, mais à 3 ans, parce que désormais la maternelle, c'est la solution sociale de la destruction de la famille, donc on passe par la case première année des maternelles, au lieu de leur enseigner à s'exprimer, parce qu'ils s'expriment, ils s'expriment dans la cour surtout, avec le principe de l'autodiscipline. Alors, ça, il faut m'expliquer ces mots. Autodiscipline. La discipline concerne quelqu'un qui enseigne. Il ne peut pas y avoir discipline s'il n'y a pas un enseignant. Mais l'autodiscipline, ça peut être bien. Mais moi, quand j'ouvre la fenêtre chez moi, dans la cour à côté, il y a une école élémentaire. Les bruits qu'ils font, je suis obligé de fermer la fenêtre. Et ils font ça de temps en temps, parce que les pauvres, ils doivent respirer. Voilà. Alors, ce que je proposerais, c'est le plus intelligent de leur apprendre à respirer, à prononcer correctement, à positionner leur corps, et pourquoi pas, à dessiner, mais en partant de la petite trait, à dessiner intelligemment. C'est contraignant, vous dites, mais vous les gardez en classe 5, 6 heures, mais c'est abominable. Et je reviens encore au collège, c'est impensable. Ils sont obligés de bouger et de rester dans la prison, à s'ennuyer devant un enseignant qui n'arrive pas à les motiver, qui n'arrive pas à les réveiller. Tout ça parce qu'on a coupé les ponts avec les savoirs. On n'enseigne plus la grammaire, on n'enseigne plus la syntaxe, on n'enseigne plus grand-chose. Les mathématiques, par excellence, l'école de l'excellence, voyons. Les mathématiques, la moyenne au collège, entre 4 et 5, la moyenne, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont 18, mais les autres, ils ont 2, 3, parce que les mathématiques, les professeurs de mathématiques, ils ne peuvent pas tricher le pauvre, comme les autres, qui mettent les notes pour faire plaisir et avoir la paix en classe. Et les pauvres, ils ne sont pas fautifs, ils appartiennent au système, et donc ils agissent selon le système. Bon, alors, on revient maintenant à la relation entre, on a dit, la maternelle. La maternelle, il y a un problème, et là peut-être que je quitte le programme complètement, je me réserve le développement la prochaine fois. Le problème de la famille, c'est un problème très délicat. Peut-être les jeunes n'ont pas encore la famille, mais ils ont leur famille à eux, ils ont un père et une mère. Peut-être aussi qu'ils ont des pères et des mères, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que tout le monde est occupé, tout le monde court. Alors là, il faudrait parler de la vitesse. Bon, je permets une diversion. J'ai dit que la vitesse, ne marche plus là. Oui, j'ai dit que la vitesse, c'est 10 vols. La vitesse, c'est 10 vols. On reviendra sur ça aussi. Alors, les premières années de la vie, c'est 3 ans. Les 3 ans sont fondamentaux pour, je dis fondamentaux, non pas plus fondamentaux, comme on utilise aujourd'hui, sont fondamentaux pour la formation de l'individu, que soit garçon ou fille, que soit nourrisson, ça compte énormément parce que c'est à partir de ce qu'ils ont compris, appris et utilisé avant 3 ans, c'est les armes pour continuer. Autrement, ils seront désarmés. Donc, ce n'est pas la même chose que je peux réaliser avec un enseignant, même très préparé, même plein d'abnégation, il y aura quelques mal à compenser les liens directs qu'il peut y avoir avec les parents, les géniteurs, disons, la mère surtout, à cet âge-là. Bon, mais ça c'est du passé et c'est même pas la peine de rêver. Par contre, il faut tenir compte de ça, que dans les nids, déjà, dans les... là où on accueille les bébés, disons, on devrait déjà envisager la suite, essayer de la comprendre, et ne pas seulement les occuper à se pousser les uns les autres, disons, dans le pire des cas. Dans le meilleur, ils jouent, ils s'en sortent. Il ne faut pas être non plus trop catastrophique, mais c'est quand même un point de départ. Alors, cette vitesse, j'ai un document, vous l'aurez aussi la prochaine fois. La vitesse est le mal du siècle, pas celui-ci, du siècle d'avant. Et c'est un vol. Parce que je vous fais un exemple. Vous prenez une voiture à moteur, vous faites l'exemple vous-même. Quand est-ce que vous consommez le plus avec une voiture, avec une moto? Hein? Oui, avec une voiture, quand est-ce que vous consommez le plus? Oui, pas seulement, il y a un particulier qui vous fait consommer beaucoup plus. C'est cette maudite vitesse. Voilà. Et alors là, si vous regardez le portefeuille et vous regardez la vitesse, vous voyez que la vitesse, c'est 10 vols. Et ne dites pas qu'on ne peut pas faire bien comme il faut. Chirac, je lui attribue une bonne œuvre, vraiment une bonne action. Il a décidé de réduire les vitesses. Et vous avez vu la conséquence? Le nombre de morts sur les routes a baissé. La consommation a baissé, la mortalité a baissé. Cette vitesse est dans les mains du capitalisme, disons, un argument, et plus qu'un argument, une technique écrasante, massacrante. Il suffit de vous dire que nous sommes en train d'aller contre le mur. C'est un peu catastrophique, mais on y va. Et qu'est-ce qu'on fait? On accélère. D'accord. Bon, alors on m'invite à rispetter l'horaire et je vous dis merci. Allora, les débats, on peut développer cette vitesse et surtout on peut développer un problème beaucoup plus grave qui est la morale. Vous pouvez me questionner et je vous répondrai pour des réponses courtes, mais entre-temps tout le monde réfléchit et d'autres interviendront. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Vous m'avez prêté vos oreilles, vous m'avez donné la parole. J'en profite, mais attention, quand vous donnez la parole, un don, on ne le reprend pas. Voilà, allez. Merci beaucoup, Ulysse, pour cette intervention. Merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez des précisions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est la journée mondiale des droits de l'enfant, c'est ça? Que je vois une affiche là. Attendez, j'ai un appel. Hein. 5 secondes, je reparlerai après. Qui d'autre veut parler ? Eh non, en fait, c'est juste une coïncidence. Une bonne coïncidence. C'est vraiment la journée des droits de l'enfant aujourd'hui ? Bah, je pense pas. Enfin, je sais pas, il y a marqué 20 novembre. Donc c'est pas tout à fait maintenant. C'est l'intervention d'après. Ah oui, d'accord, mais non, je sais. Juste pour Ulysse, petite question. Est-ce que vous pouvez définir un peu plus la morale, ce que vous avez proposé ? 3-4, hein. Pardon. Je vais prendre 3-4 questions essentielles, disons, toutes sont essentielles. Mais je ne pourrais pas répondre à tous, donc je vais noter les questions. Soyez des questions comme celles que vous venez de faire, hein, et assez larges, et après... Avant de commencer, tout le monde connaît les questions et on enchaîne de façon que une question peut répondre, la réponse peut concerner plus d'une question, hein, pour être plus organisé, soi-disant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Pardon. Ça, c'est, il n'y a pas de souci. Alors, la morale. Du coup, vous avez d'autres questions ? Du coup, comme ça, il va répondre à plusieurs questions en même temps, apparemment. Qu'est-ce que vous pensez des pédagogies Montessori et Freinet ? Bonne question. Montessori. Moi, j'ai pas de question. La troisième, je la cherche. La chose bête. Il y a rien de plus. Je suis de temps en temps. Petite question économique. Vous pensez qu'il faut mettre l'argent où dans les études ? Dans le sens, il faudrait peut-être pas mettre plus d'argent sur le bas âge que sur le grand. Bon, enfin voilà. Où est-ce qu'il faut mettre l'argent dans. Donc, à quel moment des études il faut mettre impulser beaucoup d'argent ? Une quatrième, une dernière question. Allez, une dernière. Voilà. Quand je suis arrivé, vous avez fait toute une charge contre le diplôme. Et désolé, je suis arrivé à ce moment-là. Bon, bah, la question. C'est... Non, je suis arrivé par terre. Ah, d'accord. Bon, du coup, bah, je vais pas vous attaquer là-dessus, alors, peut-être. Donc, pas d'autres questions, du coup ? Non. On va laisser Ulysse répondre. Alors, la morale. Difficile à vous répondre. Très difficile. Parce que... Dès qu'on parle morale, on préfère dire « bon, ça c'est du vieux, c'est du passé, c'est fini la morale. Hein? » Bon, alors, j'ai eu ce problème en classe, dans une troisième, jour de grève, j'ai fait grève, mais en classe. J'en profite pour faire autre chose que l'enseignement. Hein? Je parle avec les élèves, c'était à Saint-Denis, les plus malheureux des collèges, Ikabal, je ne sais pas quoi, un nom assez bizarre d'un enfant africain qui avait été maltraité à cause des études, etc. Mais peut-être vous avez plus de connaissances que moi. Bon, bref, j'ai commencé à parler un peu de ce qu'on s'occupe dehors, dans la vie normale. Et à un certain moment, un petit gamin, il y avait sur 10 élèves, au moins 8 nationalités différentes. Voilà, pour dire les publics. Donc, à un certain moment, il m'a dit, messieurs, vous êtes en train de faire la morale. Vous ne savez pas, mais la morale est interdite. C'est la première fois que j'entendais ça, je ne savais pas que c'était interdit de faire de la morale. Et effectivement, j'avais triché, parce que je voulais... m'intéressait à eux, donner l'impression que je m'intéressais à eux, et en effet, j'essayais de filer quelque chose qui ne les intéressait pas. Voilà. Mais une jeune fille, qui était très forte en classe, bien que j'ai appris, parce que quand vous avez un élève trop fort, les autres souffrent, donc il faut équilibrer. Mais tout doucement m'a dit, « Monsieur, pour nous dire qu'est-ce que c'est la morale ?» Voilà. Et la question était dure pour moi parce que je n'avais pas préparé le coup. Et à un certain moment, j'ai essayé de sortir de l'impasse et j'ai dit, écoutez, c'est comme les champignons. Hein? Les champignons, vous les mangez. vous survivez, c'est bon. Vous les mangez, vous êtes vivant, c'est mauvais. Voilà, c'est ça la morale. La morale, c'est ça. Ça se résume à ça. Et on s'hasarde aujourd'hui à faire une grande différence entre la morale publique et la morale, non, la morale religieuse et la morale laïque. Comme si on pouvait imaginer qu'il y a deux morales. Hein? Il y en a 150, il y en a 1000 de morales. Mais tous, pour être moral, il faut qu'ils aient un fond commun. Tous, il faut qu'ils aident à vivre et à survivre, à s'entendre, etc. Hein? Voilà. C'est un argument sur lequel j'ai un document, et c'est très important, et là j'arrête parce qu'il faut répondre aux autres. Il y a un fou, quelqu'un de connu à son époque, mais ignoré aujourd'hui, je lui ai donné la chasse, puisque j'ai trouvé l'absurdité de l'adjectif amoral. J'ai cherché, j'ai eu du mal à les trouver, et à la fin j'ai trouvé dans un dictionnaire à la maison en plus, je n'avais pas passé à aller tout de suite, hein, qu'à un certain moment sort un adjectif amoral. Comment il est possible qu'il y ait immoral, moral et immoral, l'un le contraire de l'autre, à un certain moment ça sort comme ça, de n'importe où, l'adjectif amoral. Eh bien, les documents vous montreront qu'il y a un adjectif qui a pris tout de suite, vite, et aujourd'hui la politique est amorale, l'économie est amorale, hein, les sciences amorales, tout est amoral. Voilà. Et à partir de ça, hein, vous pouvez compter dans une société amorale. Hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est bien, c'est formidable, hein, mais les conséquences sont là. Hein, les champignons venimeux, attention. Hein, voilà, je pense que j'ai donné assez de temps à cette question. Qui est-ce qui l'avait posée? Est-ce que la réponse t'a suffi? Bon, mais c'est beau signe. C'est beau signe. Mais tu iras sur les sites, il y a le document, hein, c'est le dictionnaire philosophique de Lalande, hein, c'est quelque chose d'important. Hein, ça remonte à l'adjectif, ça remonte à 1880 quelque chose. Hein, voilà, n'existait pas avant. Hein. Bon, alors on continue et on passe à la Montessori. La Montessori, magnifique. Magnifique institution, magnifique étude, magnifique résultat. École privée surtout, puisque publique. Mais, je peux vous raconter peut-être une anecdote. Si ça vous intéresse, j'ai été un enfant précoce. J'ai commencé les études, les premiers, aller en primaire, un 8 janvier, j'avais entre 5 et 6 ans, et j'avais dû attendre d'être en 2046 pour être accepté par l'école, parce que je ne vous pouvez pas avant que vous êtes déjà bien dans l'année qui vous note à 6 ans. Bon, et je suis autodidacte. J'avais appris à lire et écrire, sans enseignement, de point blanc. Hein. J'ai dit précoce, mais si vous saviez le retard que j'ai pris après, c'est incroyable. Hein. Je me suis trouvé dans une situation à ne plus savoir lire après ça. Hein. Cette méthode, qui est bonne appliquée pour des personnes qui ont un certain niveau de vie, un certain cadre familial riche, où l'éducation de la famiglia è ben più importante che la Montessori, ma la Montessori può approfittare, e fare dei très grands progrès. Descendez des niveaux de vie e vous verrez, sauf si vous avez un patient. Si ce sont des enfants problèmes, allora là, la Montessori revient à la rescousse, disons. Mais elle invente des jeux bêtes pour des enfants déficients. Voilà, parce que ce sont des jeux qui ne tiennent pas compte de la continuité de l'effet. La Montessori n'acceptera jamais de vous apprendre à faire des ronds, à faire des baguettes. Ça, c'est la vieille école, c'est minable tout ça. On va tout de suite à la lecture, à l'écriture, hein, et on saura ce qu'on dit et on ne saura pas ce qu'on lit. Ça, disons, les résultats sont là, malheureusement. Ce n'est pas une invention de ma part, ce n'est pas une nostalgie. je vous évoque un peu la pédagogie. Mais la pédagogie, il faut qu'il se réveille. Il ne faut pas qu'il formule des livres, mais qu'il édite, qu'il publie des livres qui sont illisibles. Bon, alors, ça aussi, il y a le moyen de développer la Montessori. Et on passe à les moyens. Problème économique. La question des moyens. Les moyens. Encore. Ah bon, merci. Merci. Alors, j'étais encore une fois dans l'anecdote. Au lycée Paul Veillard, les poètes, Paul Veillard, Villard, à Saint-Denis. C'est un des meilleurs lycées de la banlieue parisienne. Il y a beaucoup d'agrégés qui enseignent. Et dans la salle des conseils, des classes, disons, il y avait grève. Et donc, on était tous réunis, on commençait à réclamer les syndicats. Ça, les syndicats, je voudrais que vous me posiez la question, on en parlera après, à demander des moyens. Des moyens, des moyens. J'ai fait bêtement une petite intervention. C'était la première année que j'étais et la dernière dans ce lycée. Et donc je dis, mais les moyens, vous savez, ils vous les donneront, puisque ça fait tourner la boutique. Hein? Soyez tranquilles, tant qui est-ce qui paye? Vous, les contribuables, moi qui paye les impôts, ceux qui ne payent pas les impôts, ils ne payeront pas. Hein? Mais les moyens, vous aurez autant que vous voudrez. Mais est-ce que le problème est là? Hein? Je crois que si on vous donne un peu plus de liberté, hein? Un peu plus de liberté d'être enseignant, hein? Moi, personnellement, si je suis dans le désert, ce qu'il me faut, c'est l'élève. C'est pas un ordinateur. C'est ce qu'il me faut, c'est les sables. Avec un doigt, j'enseigne. J'ai pas besoin d'un crayon, une plume, une bique, ou je sais pas quoi. Hein? Oui. Je vais préciser ma question dans le sens, est-ce que c'est mieux mettre des moyens au niveau personnel? Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de personnel à la maternelle, c'est-à-dire avoir, on va dire, un enseignant pour 3-4 élèves? Plutôt qu'un enseignant pour 30, parce que comme ça l'enseignant peut être plus attaché aux élèves, donc apprendre plus facilement, etc. C'est dans ce sens-là que je parlais le côté moyen, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui enlèvent des postes et des postes et des postes. La suppression des postes est horrible, c'est-à-dire mancance de créativité. Les problèmes, s'ils existent, il y en a des sortes de problèmes. Il y a les problèmes très difficiles à résoudre et les problèmes solubles. Les problèmes très difficiles à résoudre, c'est qu'ils sont mal posés. Donc je les écarte. Il reste celles qui sont solubles. Maintenant, il faut trouver la solution. Mais n'accusez pas le problème, accusez vous-même si vous n'êtes pas en mesure de résoudre les problèmes. Alors, j'ai encore une petite histoire, ça va être un peu plus longue. J'ai enseigné au primaire. J'avais 3 écoles, en plus du collège, 3 écoles et 6 classes. CM1, CM2. L'inspectrice a beaucoup insisté pour que j'aille enseigner. Beaucoup, vraiment. Et donc, je me suis retrouvé avec 245 élèves, entre écoliers et élèves. Et la première chose que j'ai fait, je suis allé voir les enseignants et j'ai dit, écoutez, comment on s'organise? Ils m'ont dit, écoutez, les classes sont 25, bon, on les coupe en deux, hein? Et comme ça, moi je respire, parce que j'ai que deux élèves, des écoliers au lieu de 25, hein, et vous avez plus de capacité à travailler. Voilà, il a dit non, non, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas, s'il vous plaît, vous restez en classe. J'ai besoin de vous, parce que je ne les connais pas, hein, donc j'ai besoin de vous. Et vous me faites des secrétaires en certain sens, hein, mais demandez aussi l'aide de. Le meilleur de la classe qui vous aide à faire ça. Hein? Et j'ai fait une année d'enseignement de ma langue, l'italien, sans prononcer un mot d'italien. Grâce à l'aide de la maîtresse. La maîtresse a enregistré, si elle n'arrivait pas à enregistrer avec quelqu'un qui l'aidait, une jeune fille, un jeune garçon, hein, qui était heureux de prendre le rôle d'aider la maîtresse, et on arrivait à des points où je disais à la maîtresse, aux élèves, je vous dis en français, parce que je disais en italien, comment est la maîtresse? Et il disait, ah, il est très brave. Je disais, non, non, non, elle est bravissima. Et des fois, je vous assure, les élèves répondaient, les écoliers répondaient plus vite que la maîtresse. Plus vite. Mais la pauvre, elle était dans le bain comme ça, c'était pas la même chose. Justement. Elle ne portait pas l'intérêt qu'elle porte les jeunes enfants à apprendre. Bon, au point de que, quand ils sont venus au collège, parce que j'enseignais au collège, c'était à Bagnolet, quand ils sont venus au collège, j'ai dit, il y avait tous les enfants, tous les élèves, donc j'ai commencé, quand je suis rentré dans la salle, avec derrière les pupitres, disons, pour inviter à suivre l'enseignement de l'italien, j'ai dit aux enfants, écoutez, ils étaient là, quand j'ai rencontré la rue, ils me disaient, bonjour signor, bonjour professeur, etc. etc. Bon, ils ne savaient pas que j'ai parlé français. Excusez-moi de vous avoir menti. Hein? Je parle français aussi. Voilà. Hein? Mais ça leur a fait mal. Ça, ça m'a fait mal. Voilà. Oui. Merci. C'est bien de porter la moustache, monsieur. Mon père aussi, il la porte. Et comme on dit le proverbe algérois, il faut bien garder la moustache. Bien. Ça, c'est une grande signification. Et bien, ce que je voulais dire, ouais, pour les enfants, ouais, c'est les écoles. Moi, je suis pour que un professeur, il enseigne 3-4 élèves. C'est mieux. Parce que vous avez toujours des élèves perturbés, toujours... en GI très dynamique, donc ils ont besoin d'avoir plus d'entendre plus sur le professeur, parce qu'un seul professeur, c'est il aura plus de facilité à enseigner bon une bonne dizaine d'élèves que 30-40. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, moi c'était pas dans mon cas, parce que moi j'ai fait après la troisième, j'ai pas eu mon brevet des collèges. J'ai un seul diplôme dans la sécurité que j'ai eu il y a 5 ans. Donc moi, au lycée, j'étais le tout dernier de la classe. Je lisais des mangas comme Dragon Ball Z. Un jour, mon prof, Madame Pilaire, je me rappelle, c'était au lycée Ferdinand Buisson sur Hermont-Aubonne, dans le 9-5. Elle m'a dit, tu peux faire la sieste, hein, Fouad, si tu veux. Bah, je faisais la sieste. Moi, bon, j'y allais quand je voulais, quoi. Le sport, je le ratais jamais. Bref, bah, j'espère que... ouais. Les écoles, ouais, pour les enfants, ça, ce que je disais, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, et aussi qui crée plus d'associations sportives pour les jeunes, comme ça ils se défoulent dans le sport au lieu de se défouler sur un camarade, un exemple, arts martiaux, football, natation, que ce soit pour tous les élèves à l'école primaire, collège, lycée, tout ça, et bon, qu'ils créent des associations. Dans le civique aussi, c'est bien, caricative, plein de choses. Et bon, moi je trouve que nuit debout c'est sympa, mais là il y a moins de monde. Je sais pas ce qu'ils ont foutu pour la cantine là, j'aurais bien voulu que ça continue encore. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et la France, vive la France, vive l'Algérie et la France. Et plus d'amitié entre les deux pays, ça serait bien. Voilà, je repasse le micro à monsieur. Moi aussi je porterai la moustache tout le temps. Hein. La barbe entière. Mais tu sais, la barbe ne fait pas le philosophe. Hein. On dit aussi. Oui. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je les garde. Mais concernant les classes des 4 ou 5 élèves, je les ai eues aussi. Parce que j'en ai eu aussi une des 35. Et quand les collègues m'ont dit, mettez à droite à dédoubler, j'ai dit, bon, une fois que j'en ai 35, vous me faites dédoubler. C'est fou, ça. Bon, mais est-ce que. J'ai fait un exemple. Est-ce que. Tu mangerais volontiers une petite cuillère à café de sel. Oui. Oui. Eh bien, et pourtant, une cuillère de café avec du sel ne suffit pas à saler un couscous. Hein? Tu vois la différence? Hein? Quand il y a un problème, il faut le diluer, il ne faut pas le densifier. Hein? Avec 4, tu auras plus de problèmes qu'avec 10. Hein? Dans les 10, tu trouveras un qui t'aide. C'est y faire, hein, parce qu'autrement c'est 10 contre 2. Hein. Les moyens, l'argent, ça c'est secondaire, on y arrivera, c'est secondaire. Voilà, merci. Merci à vous tous. Bah, merci beaucoup Ulysse pour cette superbe intervention. Tiens Louis, si tu veux, tiens, vas-y. Tu fais l'entre-deux, tu dis qu'on a une boîte à questions. qu'on ait une page Facebook et tout. D'accord. Fait ça. Très bien. Et tu présentes.